ye mongo Momo de la jume a bomeo Aji jade lo rumba jato Mon a ye mo Mongo baka le mo Takwe peo O ma zeta o Go kwa fo ye bo O ma zeta o A ka fe se kwa lokpe A ke o le bo kwa kwa ba o Be o an kwe kwa lo O ma o ke wen ka jisa o A ma boso jen Boso jen ye pi pon mu sho miya o A shi jake lo grupa jako eh. A yi wa le me ma o Mya yo kuku baka le mu o I am a war. Momo, I should be a bombeo. I should have a little group of Jacob. Ugo Bacau, as Jacob, no, are you one, Lemel? Ugo Bacau, and then Valentin, are you one, Lemel? Ugo Bacau, Yazan Desire, Mabio. Aye, tablé, mes pieds. Coucou, bacao. Docteur Diarra, mes pieds. Coucou, bacao. Docteur Saki, mes pieds. Coucou, bacao. Achia Saint-Pascal, mes pieds. Coucou, bacao. Docteur Kouen, mes pieds. Coucou, bacao. Wao Pao Lui, mes pieds. Coucou, bacao. Et Jeanne Kata, mes pieds, papa. Coucou, bacao. Yang Grand Michel, mes pieds. Coucou, bacao. Lolo Alexandre. Il y a un beau cognac de ce papa. Coucou Bacao. A sa main Pierre, mes pieds. Coucou Bacao. A si Jonas, mes pieds. Coucou Bacao. Il y a un beau dadé Michel, mes pieds. Coucou Bacao. A côté Félicien, mes pieds, papa. Coucou Bacao. Gazan Joseph, mes pieds. Coucou Bacao. A sa nous et Jeanne, mes pieds. Coucou Bacao. A son Dico, mes pieds, papa. Bacamélio. Aswan Diko, mes pieds. Baka Mendio. Oui, Saint-Bolt. Oui, Saint-Bolt. Haute tension, haute tension. Avec le groupe Ajako. Danou, Danou, Danou, Danou. Adhérez-vous, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, adhérez-vous au groupe Ajako. Ok. Loba, loba, loba. La Jacoïsme. Je te gagne miao, coucou bacao, rouille à poignes, mes pieds, coucou bacao, bonne place, mes pieds, papa, coucou bacao, Charles Kwasi, mes pieds, coucou bacao, Zagé Laurent, mes pieds, coucou bacao, Achimès, mes pieds, coucou bacao, Edding Bosho Lambert, coucou bacao, Jean Pisan, mes pieds, coucou bacao, Ouwe François, mes pieds, coucou bacao. Vincent, mes pieds, coucou bacao, Chava Maurice, mes pieds, coucou bacao, Asanatolo, mes pieds, coucou bacao, Topier, mes pieds, coucou bacao, Adou Félix, mes pieds, coucou bacao, sabe Alphonse mes bien papa Coco Bacao Abouya Marcelin mes bio Coco Bacao Demetia Edmond mes bio Coco Bacao Aïe Kofi Sekedu Coco Bacao Seka Seka Robert mes bien Asama Kolabao Seka Seka Robert mes bio Asama Kolabao